Je me base surtout sur l'idée qu'il y a des forces en dehors de l'intelligence humaine, mais qui en font partie, qui peuvent intervenir puis empêcher certains agendas de s'accomplir. Parce que je peux pas juste me fier sur de l'intelligence individuelle d'humain. Mais ça m'inquiète pas. Je sais qu'il y a des forces. L'être humain est accompagné, c'est comme une créature en gestation qui a été faite pour l'évolution. L'être humain n'a pas été fait pour régresser. Donc, je regarde ça. Puis, non, je m'inquiète pas. De toute façon, c'est pas par l'éducation que. L'éducation, c'est un cadre qui est censé engendrer une coordination harmonieuse de ce qu'on pourrait appeler l'énergie ou de la lumière, mais c'est pas la lumière elle-même. La lumière, ça va aller selon l'éducation, mais ça n'arrive pas par elle. Puis de toute façon, de la lumière, ça s'empêche pas. Donc, c'est relatif l'éducation, là, c'est pas. C'est ni une mauvaise chose ni une bonne chose, là, ça dépend toujours, c'est contextuel. Bon, l'éducation, c'est contextuel, tandis que l'intelligence, ça transcende le contexte, là. On pourra pas rendre d'une façon permanente les masses toujours stupides, là. Il va tout le temps avoir des exceptions.